tous les jeudis vers 7h-ci, on reçoit Rick Mialou du CRE de Penetang. Rick, salut. Je vais monter le pote, j'ai oublié. Bonjour Jean-Philippe. Là, aujourd'hui, on parle des obstacles qui sont reliés à l'emploi. On va donner des détails, comment y remédier. Exactement. Donc aujourd'hui, on va commencer un bon sujet qui est très intéressant effectivement pour autant les chercheurs d'emploi que les employeurs eux-mêmes justement. C'est quoi les obstacles à l'emploi? Parce qu'on parle d'emploi, on parle des gens qui veulent trouver de l'emploi, mais ils ont des obstacles. Il y en a qui ont de la difficulté à en trouver des emplois, il y en a qui savent pas. Au fait, ils ont toutes sortes d'obstacles, au fait, tout simplement, dans la recherche de leur emploi, oui. Parce qu'il y en a qui se disent hey, « je me cherche un emploi, puis là, je sais pas comment faire, j'ai beau cogner à toutes les portes, il y a rien qui se passe ». Là, ça va pas bien. Exactement, exactement. C'est pour ça que cette capsule aujourd'hui est adressée justement à ces personnes-là et à toutes sortes de personnes justement qui ont des différents obstacles qu'on va pouvoir décrire un peu plus en détail au courant de notre première partie aujourd'hui. Oui, oui, parce que tu as deux parties, on va en parler oui. Aussi la semaine prochaine. Exactement, exactement. C'est une continuité. Là. Oui. Et tes premiers points sont? Ben, au fait, mon premier point, donc évidemment, c'est très évident, très facile à reconnaître, c'est le manque d'expérience professionnelle. Parce que quand tu es étudiant, tu commences dans la vie, tu n'as pas beaucoup d'expérience, alors tu n'as pas le choix d'en acquérir, ça prend quelqu'un qui te donne ta première chance. Oui, exactement. C'est ça, le problème au fait, évidemment, c'est que tous les chercheurs, tous les employeurs veulent quelqu'un qui a de l'expérience. La majorité des cas, comparer une personne qui a de l'expérience à une personne qui n'a pas d'expérience, malgré les diplômes que cette personne peut avoir, des fois le choix peut se faire très très très vite. Là. Prenons n'importe quel emploi, à la majorité des cas, là, on va prioriser des gens qui ont de l'expérience évidemment dans ce domaine-là. Et quand on parle aussi d'expérience, il y a des gens, des adultes qui ont 25-30 ans, qui ont presque pas travaillé dans leur vie, ça doit être pas évident pour eux autres de réussir à décrocher un emploi. Là, dans ce temps-là, il faut faire quoi? Oui, effectivement. Donc, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, regarde tel que la semaine passée, nous avons parlé des moyens de comment gagner, au fait, de l'expérience professionnelle. Donc, effectivement, je peux partager une des choses. Donc, il faut se démarquer grâce à sa personnalité. Quand on n'a pas d'expérience, démarquez-vous grâce à votre personnalité. La personnalité, il y en a qui vont être plus extravertis, introvertis. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est gêné comparativement à quelqu'un qui a quand même une bonne verbe et qui est très expressif? Probablement qu'il va être avantagé par rapport à l'autre. Oui, je comprends tout à fait. Logiquement, on encourage toujours les chercheurs d'emploi à faire leurs recherches par rapport à l'employeur pour lequel ils sont en train de postuler. Donc, cet employeur, justement, des fois, peut avoir un site internet. Cet employeur peut avoir déjà... Il y a déjà la description, en fait, de tâches. Il y a déjà la description du poste. Donc, ils disent déjà le genre de personne qu'ils recherchent. Donc, logiquement, quand nous nous préparons pour cet emploi, pour ce poste-là, évidemment, après avoir fait notre recherche, il faut que nous puissions présenter à quel point je suis le candidat idéal pour ce poste. Donc, il faut vraiment se démarquer. Là. Parce que là, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de misère là, oui. à se démarquer, à parler de lui-même, oui. de ses accomplissements, mm-hmm. lui, il a presque des chances nulles, là, à part que si l'employeur n'a pas d'autres candidats possibles. Oui, tout à fait d'accord avec ça. Et surtout, ce qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est là que viennent les centres de ressources en emploi. Parce qu'ils sont là juste justement pour aider tous les candidats. Même une personne qui est introvertie, justement, ce sont des personnes qui peuvent être préparées tout simplement à toutes sortes d'entrevues. Là. Mais vous, à ce moment-là, les personnes qui sont introverties, est-ce que vous êtes capable, en les aidant, de les faire un peu sortir de leur cocon là, pour être mieux capable de se faire valoir auprès d'un employeur? Comme on dit, à force de pratiquer, on devient meilleur, évidemment. Donc oui, c'est pratique. On est prêt, justement, on a du temps pour ça. On est prêt, justement, pour faire pratiquer toutes sortes de personnes qui peuvent avoir n'importe quel défi, là, justement, pour passer des entrevues. On est prêt à les faire pratiquer pour qu'ils puissent se développer, devenir meilleurs et sortir, au fait, tout simplement, de leur bulle. C'est comme un peu Sidney Crosby, hein? Il n'a pas seulement lancé 2-3 rondelles dans sa cour avant d'être bon. Il en a fait plusieurs. Oh, c'est un peu comme la même chose. Exactement. Je veux dire, tout succès aujourd'hui, quand on regarde ces grandes vedettes comme Sidney Crosby ou toutes sortes de personnes, justement, qui aujourd'hui s'en sortent très bien dans leur domaine, c'est probablement parce qu'ils ont vraiment passé beaucoup de temps à pratiquer ce qu'ils font. Oui. On a aussi parlé de nos accomplissements. Oui, exactement. Donc, il faut parler de ces accomplissements. Donc, quand on se démarque, parlez de ce que vous avez fait. Parlez de ce que vous avez déjà été capable de faire. Soyez motivé quand vous parlez de ce poste. Démontrez votre connaissance de l'entreprise. Démontrez votre capacité à vous intégrer dans cette entreprise-là. Donc, parlez à quel point vous êtes vraiment un très bon candidat. Vous devez vous vendre d'une certaine manière. Il faut que cet employeur vous achète. Mais là, si je parle de mes accomplissement, si oui. toi, Rick, t'as une belle petite patate frite au coin de la rue, là, oui. puis moi, je m'en vais te voir, puis mon plus gros accomplissement en carrière, c'est d'avoir gagné un concours de mangeur d'hot-dog. Oui. Ça va pas bien. Là, c'est très limité, là. Exactement. C'est à cause de ça que les gens sont vraiment encouragés, les chercheurs d'emploi sont très, très, très encouragés à gagner de l'expérience professionnelle, évidemment. Donc, une fois de plus, c'est vraiment en trouvant toutes sortes de manières, en faisant du bénévolat, en rejoignant des groupes, des ateliers, lorsqu'ils vous préparent à l'emploi. Donc, toutes sortes de programmes, quand des programmes de transition au travail que nous offrons à la clé. Donc, évidemment, ce genre de programme, ça permet vraiment aux personnes de pouvoir avoir de l'expérience d'une certaine manière. Et ils peuvent parler de leur accomplissement durant ces semaines-là, oui. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à l'école secondaire, on encourage beaucoup les jeunes à faire du bénévolat. Alors, exact. Pour eux autres, c'est vraiment un plus. Là, si j'ai à comparer, à faire une comparaison avec le Québec, nous autres, on n'est pas encouragés dans les écoles, mais ici, ils sont encouragés. Là, je pense que même, il faut qu'ils fassent une quarantaine d'heures pour avoir leur diplôme d'études exactement. Secondaires. Alors, exactement. C'est très, très bon pour c'est eux. C'est très, très bon, exactement. Et c'est pas minime, au fait, parce que beaucoup de personnes, malgré le fait qu'ils ont passé que quelques heures en faisant du bénévolat, ils peuvent dire que c'est minime, c'est pas assez. Moi, je dirais que non, ne vous gênez surtout pas à parler de ça. Ne vous gênez pas à parler de ce que vous avez fait. Effectivement, l'employeur ne veut pas que vous puissiez créer des histoires qui viennent de je ne sais où. Vous devez parler de vous, vous devez parler de ce que vous avez fait. Donc, surtout, ne vous gênez pas. Parler de vos accomplissements aussi minimes qu'ils sont. Vous pouvez penser que c'est petit, mais pour cet employeur, pour cette personne qui vous passe en entrevue, qui est en face de vous, c'est pas forcément petit. Ça peut être très important, très pertinent. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça, des accomplissements. J'ai un ami avec qui j'ai travaillé à l'époque dans une usine. Et lui, l'employeur, au début, il voulait pas vraiment l'engager. Mm-hmm. Il a forcé un petit peu la note, mais okay. Il en a rajouté. Tu sais, il en a inventé un peu d'accomplissements. Puis en fin de compte, on l'a pris. Est-ce que c'est bien là, d'en inventer quelques-uns là, pour se mettre en valeur, pour pouvoir décrocher l'emploi? Alors ça, on pourra en parler hors onde, vraiment okay. pour encourager justement les chercheurs d'emploi. Parce que une chose est vraie, c'est qu'il faut se l'avouer. Il faut savoir, comme je le disais un peu plus tôt, se vendre. Il faut savoir le faire. Je veux dire, parce que ces chercheurs, au fait, les employeurs qui cherchent des personnes, des candidats pour leur poste, ils ont plusieurs candidats qui vont passer en entrevue. Donc, un individu comparé à 10 autres, il faudrait que ce 1 soit capable de se démarquer des 10 autres. Comment est-ce que je fais pour me démarquer? C'est là qu'on se pose cette question. Comment est-ce que je fais pour vraiment que je puisse sortir, que je sois au-delà au fait de tous les autres candidats? Il faut trouver des stratégies, effectivement. Oui, mais est-ce que tu encourages ça, toi, un peu à embellir la réalité là, pour se donner une meilleure chance d'être embauché par l'employeur? Tout est possible, tout est possible. Il faut s'essayer. Ah ben ça c'est bien, ça veut dire que ok, j'étais pas sûr au début quand il me parlait de ça mon ami, mais là je me dis il était plus brillant que moi parce que moi j'ai pas fait ça là. Je suis tout à fait d'accord. Moi je suis convaincu qu'effectivement beaucoup de personnes qui postulent pour différents emplois, des fois qu'ils en rajoutent, ils en rajoutent un peu là, ils rajoutent de la sauce. Ça c'est tout à fait un peu normal parce qu'il faut essayer de s'en sortir. C'est comme un bon film, hein? Oui. c'est tout le temps romancé. Fait qu'on romance un petit peu là, notre CV. Exactement, c'est très important. Il faut se mettre en valeur. C'est ça le bon clé. Mettez-vous en valeur. Sortez du lot, là. Vraiment, démarquez-vous des autres personnes. Donc, trouvez une manière de se démarquer. Évidemment, si ça devient à être du mensonge, et c'est tout à fait normal que probablement qu'il y a des employeurs qui vont le démarquer, là, très facilement. Là, ben là c'est sûr. Si jamais tu as 21 ans et tu dis que tu as été PDG d'une compagnie, disons que c'est pas la bonne stratégie à prendre. On va te démasquer assez vite. Là. Non, c'est clair. Il faudrait que je vérifie à Steve Jobs à quel âge il a commencé son entreprise, mais effectivement, il faudrait être très, très, très, très, très, très bon pour commencer une entreprise à 21 ans, oui. Quand on parle de manque d'emploi, il me semble depuis quelques années, on entend les employeurs dire on manque de personnel, il y a beaucoup de baby boomers dans les prochaines années qui vont prendre leur retraite. Là, on n'a pas assez de jeunes ici au Canada. Va peut-être même falloir là, encourager là, l'immigration pour être capable de pallier aux emplois. Crois-tu à ça? C'est-tu un vérité ou un mensonge? Il y a deux bords de cette médaille. Le premier bord de cette médaille, c'est qu'effectivement, les employeurs, c'est la version qu'ils ont. Faut pas oublier que quand on parle d'emploi, on parle de deux personnes. On parle de un bord, le chercheur d'emploi, et on parle d'un bord, l'employeur. Évidemment, l'employeur, parce que ses emplois ne sont pas comblés, évidemment, il va sortir le fait qu'il manque de la main-d'œuvre. Et ça, c'est reconnu même dans le comté de Simcoe, qui manque de la main-d'œuvre un peu partout, dans toutes les villes qui sont vraiment dans le comté de Simcoe. C'est reconnu, il y a un sondage qui a été fait, que vraiment, il manque de la main-d'œuvre. Et ça, une fois de plus, j'aimerais préciser que ça, c'est ce que les employeurs disent. Mais en réalité, est-ce que c'est les chercheurs d'emploi qui disent « En fin de compte, on cogne aux portes, puis ils n'ont pas d'emploi. » Un dit quelque chose, un dit l'autre chose. Exact. Exactement. C'est là que, justement, on arrive quand on parle maintenant là des chercheurs d'emploi. Tu vas voir certaines personnes qui recherchent justement un emploi dans tel ou tel domaine, va aller frapper à une porte et va demander justement j'aimerais postuler pour vos offres, je suis intéressé à travailler pour vous. Et évidemment, ces employeurs vont tout simplement répondre que désolé, présentement, nous engageons pas. Ou bien même, l'autre bord, c'est le fait que le processus d'engagement, des fois, est très difficile, de sorte que beaucoup de chercheurs d'emploi, ils abandonnent. Laisse-moi te passer cette information. Il y avait un sondage qui avait été fait auprès de 112 chercheurs d'emploi. 112 chercheurs d'emploi ici dans le comté de Simcoe. Le nombre peut être minime d'une certaine manière, mais c'est quand même un chiffre assez important. Ça peut-tu être représentatif? Ça peut être représentatif justement des chercheurs d'emploi que nous, justement dans ce temps-là, ça c'était fait durant la fin de l'année 2017, début 2018. Sur les 112 personnes, 43%, qui est presque la moitié du 112 personnes, ils étaient sans emploi. Un sort de deux presque. Quasiment, exactement. Donc, ils étaient sans emploi et tu ajoutes à ça 29% de chercheurs d'emploi qui se considéraient qu'ils étaient sous-employés. Sous-employé, ça veut dire qu'il n'y avait pas 40 heures, là, qu'il n'était pas temps plein. Ça peut être ça, ou ça veut tout simplement dire qu'ils se reconnaissent pas, c'est-à-dire ils n'ont pas la job qu'ils font, d'une certaine manière, ne leur accorde peut-être pas la valeur qu'ils recherchaient. Ils sentent qu'ils sont bloqués, là. C'est pas forcément l'emploi pour lequel ils voulaient travailler. Peut-être même, ça peut être concernant la paye, l'argent. Peut-être qu'ils ont des bonnes compétences, une belle expérience, mais finalement, la paye qu'ils reçoivent n'est pas forcément adaptée soit à la job qu'ils font ou aux compétences qu'ils ont. Donc, évidemment, oui, ça, c'est des facteurs. Ça me donne l'exemple de ça, des chauffeurs de taxi un peu qui arrivent des autres pays. On voit des médecins, des avocats, parce que là, on reconnaît pas leur diplôme ici. Exactement. Font du taxi. Exactement. Mais, on pourrait en avoir, il manque de médecins, il manque d'avocats. Exactement. On devrait reconnaître leur diplôme. Exactement. Une bonne chose avec le gouvernement, au fait, de nos jours, je pourrais dire, c'est qu'il commence à comprendre qu'effectivement, qu'il faut reconnaître l'expérience internationale. Donc, le comté de Simcoe, évidemment, le secteur de l'emploi a parti une belle campagne en encourageant les immigrants en leur disant que l'expérience internationale compte. Donc, c'est très important. Il y a des processus maintenant, il y a des manières de s'en sortir. Peut-être qu'il n'y avait pas avant ou peut-être que l'information n'était pas publiée comme il faut, mais l'expérience internationale compte. Il y a une manière justement de reconnaître ses acquis. Il faut tout simplement aller vers les services, que ce soit gouvernementaux ou les services d'emploi, et parler à la bonne personne pour vous référer vers le bon processus. Pour ajouter et encourager au fait, d'une certaine manière, sur le sondage qui était fait, imagine-toi que 11% des personnes sortent au fait du comté. Ça veut dire qu'ils vont chercher de l'emploi à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'ils iraient quasiment vers Toronto. Et un autre 17% au fait de personnes, ils travaillent pas au fait dans leur zone préférée d'emploi. Donc, tu sais, on parle d'un nombre de personnes ici, une fois de plus, des chercheurs d'emploi, dont la moitié au fait ne travaillent pas à cause de plusieurs raisons. On en reparlera plus tard. Mais on parle aussi d'un autre bon nombre de personnes, évidemment, qui travaillent, mais évidemment, ils aiment, ils se retrouvent pas, dans le fond, dans le bon domaine, tout simplement. Il faut dire qu'ils ne sont pas tout seuls là-dedans. Il y en a beaucoup. Hein? Ils ont besoin de travailler, ils ont besoin d'avoir une paye. On n'est peut-être pas docteur, astronaute, joueur d'hockey professionnel, mais il faut payer l'hypothèque, puis l'auto, puis mettre quelque chose sur la table pour nos enfants. Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'on va voir que beaucoup de gens, des fois, ils se retrouvent poignés dans une job parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça fait longtemps peut-être qu'ils font cette job, ils ont peut-être certains avantages ou quoi que ce soit, mais ils se sentent plus bien. Il n'y a plus d'accomplissement ou quoi que ce soit. Alors, quoi faire? On est poignés, là. Quoi faire? C'est là qu'interviennent effectivement les centres de ressources en emploi comme nous pour pouvoir trouver des solutions à ces personnes-là, justement. La semaine prochaine, Rick, on va continuer sur ce sujet-là, les obstacles à l'emploi. Exactement. Parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Non. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Exactement. Si on veut vous rejoindre, on peut aller sur le site de La Clé. Aussi, 2 rue Pointe, ici à Penetang. Exactement. Et votre numéro de téléphone? C'est le 705-549-5227. Rick Mialou du Centre de recherche d'emploi de Penetang, merci encore une fois de nous éclairer là, sur le monde de l'emploi. On se revoit encore jeudi prochain pour une autre chronique. Je te remercie et bonne fin de semaine. Merci à toi, Jean-Philippe.